tous les vendredis dès 18h, Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série, le 824e numéro, le 25e épisode de la 23e saison. Et comme chaque vendredi à mes côtés, j'ai Benoît. Bonjour Benoît. J'imite très mal Benoît, cela en fait je le ferai pas. Bon bah c'est raté, donc Benoît n'est pas là, donc à mes côtés j'ai Sylvain, bonjour Sylvain. Ah là c'est bon, c'est bien moi, oui. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Très bien et toi? Ah il y a du soleil, enfin quoi, on peut en profiter. Faut en profiter, car demain c'est le déluge. Moi je pensais que tu allais pouvoir imiter la voix de Benoît. Non, j'ai pas assez travaillé le truc. On sait jamais quand il est là, quand il est pas là. À chaque fois, c'est une surprise. Non, mais c'est normal, c'est un fonctionnaire. Hein. Là, à l'heure actuelle, il est aux côtés d'Ingrid Chauvin, il est content. Il est au soleil. Dans Destination Série, on aura quand même, même si Benoît est absent, cette actu, le secrètement vôtre, le rétroviseur, sans oublier le Manon Série Quiz en best-of, et le mur des hits sera bien présent. Alors, Benoît m'avait envoyé des fichiers, mais comme Benoît est absent, on va mettre les fichiers de côté et on va faire du 100% Modern Talking. Et il y a combien de cas cette semaine? Alors cette semaine, j'en ai mis 55. Bon, on va de quoi remplir l'émission, ça va aller. Alors pour commencer ce numéro, on va se faire un petit plaisir. Hein. Voici le mur des hits. Et donc, comme chaque semaine, nous avons 7 cases à ouvrir. On aurait pu en mettre plus, mais après, on a le superviseur qui pourrait appeler et nous gratter les oreilles. Donc, on va rester sur 7. Hein. Alors, on ne sait pas s'il est à l'écoute. Hein. C'est la surprise. Peut-être qu'il sera du côté du podcast. Ça aussi, ça peut être une surprise. Ça voudrait dire qu'il a eu maintenant sur samedi.fr. Ça va le changer. Donc là, tu as 7 cases. Et à toi de choisir la première. Alors, je commence par un hommage à Benoît. Il n'est pas là, c'est normal. La case numéro 6. Eh bien, nous allons faire l'ouverture de la case numéro 6. Et là, ça me dit la numéro 7. Song number 7, c'est bien ça? Hein, ouais, c'est bien la 7. Donc là, je ne sais pas où tu es, Benoît. Mais tu pourras remercier Sylvain. Nous allons tout de suite ouvrir cette émission avec une sublime chanson. Quelle ouverture fantastique. On retrouve Tom Anders avec son nouveau single, extrait du deuxième album revisité par Christian Jeller et Tom Anders. C'est la nouvelle version de Cherry Cherry Lady. Ah, on se retrouve enfin dans 3 petites minutes. No time, I'll never know. Attention, alerte générale, Benoît est à l'écoute. On est grillé. Bon. Donc je tiens à préciser que c'était une bêtise, hein. C'était une connerie. Il y a bien tes chansons. Hein. Mais bon, pour ouvrir Destination Série, c'est bien de temps en temps de changer un peu avec Dit Commanders. Mais Corinne. Cette actu avec Laurent et Benoît. Oui, j'avais juste une petite question. En fait, Chérie Chérie Lady, elle n'est pas sur le first album. Non. Ça annonce. Un vrai inédit pour le coup. Bah, disons que ça annonce la sortie le mois prochain, début mai, de la ressortie de comment c'est oh, j'ai un trou de mémoire. Incroyable. Le deuxième album va ressortir comme le premier. Okay. Let's Talk About Love. Le second album va ressortir avec donc les chansons revisitées comme pour le premier, avec deux inédits, les orchestraux, enfin un superbe coffret. D'accord. Qui en finalité en octobre va rentrer dans un autre méga coffret avec le nom magique dessus pour fêter les 40 ans des Modern Talking. Merci pour l'info. Oui, moi j'avais écouté le first album, c'est pour ça que j'étais un peu surpris. Bah, prépare-toi à la suite. Et d'ailleurs, Benoît, lui, est à fond dedans, puisqu'il attend avec impatience le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, qui sortira en septembre. Donc, voilà, c'est événementiel. Le 7 Actu, cette semaine, il est très chargé, Sylvain, n'est-ce pas? Voilà, hein, on déborde. Donc là, va falloir faire court pour pas mal d'infos. On commence avec Astérix, le dessin animé. On a enfin une bande-annonce et on a plein de détails sur les coulisses du dessin animé qui va prochainement débarquer sur les bons écrans. Alors, on avait la bande-annonce, mais là, ce qu'on a en plus, c'est l'extrait, en fait, officiel. Et Netflix, justement, a dévoilé récemment ce nouvel extrait. Le combat des chefs, hein, pour ceux qui n'avaient pas l'info. C'est bien sûr créé par Alain Chabat. Alors, cet extrait, qui est donc disponible maintenant, présente une bataille, en fait, entre les Gaulois et les Romains. Et ça met surtout en avant l'humour, la créativité de tout l'univers d'Astérix. Honnêtement, j'ai préféré l'extrait à la bande-annonce. Ça, c'est un choix peut-être personnel, parce que le rythme est bon, on sent que c'est léché, ça marche vraiment bien, quoi. Et la série, donc, est composée de 5 épisodes. Elle adapte le 7e album de la bande dessinée. C'est l'album où Panoramix perd la mémoire après avoir reçu un menhir sur la tête, rendant les Gaulois vulnérables sans potion magique. Et la sortie, bien sûr, vous le savez, c'est le 30 avril 2025 sur Netflix. Exactement. Alors donc, je tiens à préciser une chose, c'est que là, on vient d'avoir une info comme quoi nous avons des problèmes techniques quand je parle des Modern Talking, le son se coupe. Je ne sais pas où a pioché cette info, Benoît, je ne comprends pas. Oui, petite dernière chose. On a plus de détails sur les voix qui seront dans Astérix, donc le nouveau dessin animé d'Alain Chabat. Donc Alain Chabat, lui, fera la voix d'Astérix. Pour Obélix, on aura Gilles Lellouche. Le choix est plutôt bien. On a aussi Laurent Lafitte qui fera Jules César. Le druide Panoramix sera incarné par Thierry Lhermitte. Géraldine Nakache aussi. Alexandre Astier qui avait fait aussi un Astérix précédemment. Et lui jouera la voix, enfin prêtera sa voix à Ordre Alphabetix. Si je ne me trompe pas, c'est bien le chef du village, Laurent. Je crois bien. Il me semble bien. Oui. Donc voilà, personnage majeur puisque c'est le combat des chefs. Et voilà, il y aura ce qui m'a vraiment fait sourire par contre. Devine quelle voix va faire Jérôme Commandeur. Est-ce que c'est pas le druide? Non, c'est Thierry Lhermitte le druide. Alors donc, il va faire celui qui chante comme une casserole? Eh bien non, il va faire la maman de César. Hein? Je sais pas comment ils vont articuler ça, mais c'est bien Jérôme Commandeur qui fait la mère de César. À voir... comment ça va s'articuler? Bah après, le mec est un peu barré, donc oui, je ça pense peut que le faire. Ça peut aller. Voilà, ça, c'était pour le casting. Voilà, il y a d'autres personnalités, bien sûr, mais il faudra regarder, effectivement, cette série sur Netflix pour en profiter. Alors, le statut de cette semaine, c'est aussi The Last of Us, la douche froide. Alors, moi, je ne comprends rien. Alors, j'ai pas aimé la saison 1. On nous avait vendu le truc comme quoi, grâce au jeu, on pouvait avoir, comme The Walking Dead, au moins 8, 9, 10, 11 saisons. Et là, on apprend cette semaine qu'on n'ira peut-être pas au bout de la troisième. Alors, Effectivement, mais en fait, ils essayent de coller à l'univers du jeu vidéo. C'est pour ça qu'il y a une limitation dans l'histoire et ils veulent préserver, en fait, l'histoire originelle. Ils ne veulent pas étirer les saisons pour le plaisir. Après, ce sont des choix. Hein. C'est... Oui, mais ce n'est pas le commentaire. C'est pas... Alors, c'est dommage que Benoît n'est pas là aujourd'hui, mais ce n'est pas les commentaires-là, les annonces qu'on avait au point de départ avant de découvrir la saison 1. Donc, je devine que tu es déçu. Non, ça, je suis content. Je me dis, voilà, The Last of Us, je laisse ça à ceux qui aiment. Et moi, je reste sur The Walking Dead, qui reste, pour moi, ce n'est que mon avis, la référence du genre. En tout cas, on aura bien 3 saisons, c'est ce qui a été annoncé pour The Last of Us. Voilà, on va pas trop s'éterniser, on va accéder à la 4e info, et là, on va reparler de cette histoire, mais comme une nouvelle info est tombée cette semaine, et au vu du nombre d'infos qu'on a eues, on s'est dit on ne peut pas passer à côté de celle-ci, c'est qu'une nouvelle fois, on nous annonce que HPI, qui va prochainement revenir sur TF1, la 5e saison sera... véritablement la dernière, et on a la raison de cette fin au bout de la 5e saison. Alors en effet, la série HPI s'achèvera avec la 5e saison, comme l'a annoncé Audrey Fleurot, celle qui interprète bien sûr Morgane Alvaro. Elle a expliqué que cette décision en fait visait à éviter de lasser les téléspectateurs et de produire une saison de trop. Alors je comprends l'argument, ils préfèrent conclure la série en beauté. Après, quid des versions adaptées à l'étranger? Est-ce qu'ils vont, eux, continuer ou s'arrêter à l'exemple français? Ça, on ne saura pas. Son partenaire, Mehdi Nebou, il partage la même idée que Audrey Fleurot. Il partage la même volonté de terminer avec un panache et de la fantaisie. À voir comment il conclut. Je préfère un feu d'artifice pour terminer plutôt que de tirer la licence pour rien, quoi. Oui, après avoir des épisodes qui tournent en rond, c'est pas terrible. Je voudrais revenir sur The Last of Us et je vais vous lire le message de Benoît. Exact, tu as raison. Le résultat n'est sans doute pas à la hauteur de l'ambition. C'est vrai que la première saison, on a trouvé ça plutôt mou. Les personnages auxquels on s'attachait, en fait, ils disparaissaient très vite. Et donc, on reste sur sa fin, à la fin de la première saison. On nous avait vendu, comme pour le problème à 3 corps, Monts et Merveilles. On avait été déçus. On nous avait dit, avant le lancement de la série, qu'on avait les moyens de faire au moins 10 saisons. Et là, nous annoncer qu'il n'y en aura que 3. Je reprends le terme que j'ai mis sur samedi.fr, c'est un peu la douche froide. Mais bon, voilà. C'est l'effet d'annonce, je pense, qui te déçoit, parce que si l'attente est haute, t'es forcément déçu. Et si oui, d'une série 1, t'as que des bonnes surprises. Alors après, moi, j'avais aucune attente du côté de la... Est-ce que c'est ton style de série? C'est ça la bonne question. Alors, c'est mon style de série, puisque d'accord, j'ai aimé Lost, The Walking Dead. The Walking Dead et les déclinaisons derrière, qui étaient moins bonnes, mais qui tenaient la route aussi. J'adore la SF. Le problème à 3 corps, il y a des faiblesses, mais j'espère que pour la saison 2, ils vont rattraper le truc et nous mettre un peu plus de puissance. Mon problème à moi, si tu veux, c'est qu'il y a pas mal de séries de ce style qui prennent, pour ainsi dire, les mêmes sentiers que d'autres. Et quand on me fait un problème à 3 corps et qu'à côté, je regarde Star Trek Discovery, c'est faiblard. Parce que toutes les séries Star Trek, alors certes, la série des années 60, les séries des années 90 ont vieilli, mais quand tu replaces... dans la chronologie, ces séries, à chaque fois qu'un Star Trek tombe, c'est, tu vois des trucs avant-gardistes, c'est prenant, les histoires sont étonnantes, t'es jamais déçu. Là, quand tu arrives au problème à 3 corps, ou alors quand tu arrives avec The Last of Us, alors que t'as connu d'autres séries du même style, tu t'attends à l'équivalent ou à mieux, et en fait, t'es déçu parce que c'est moins bien. Moi, personnellement, j'ai bien aimé The Last of Us. C'est qu'un ressenti après ces personnages. C'est pour ça que moi, à chaque fois, mais je dis... Mais t'as le droit de pas aimer. Hein, ça ne me dérange pas. Encore heureux, hein, parce qu'autrement, si tu me dis que j'ai pas le droit d'aimer, tu fais comme certains, tu prends la porte. D'accord. Bonjour à Benoît. Mais donc, lui, il peut pas la prendre parce qu'il est déjà, il est pas là. Ah, oui. Et donc, c'est vrai que, je le dis à chaque fois, ce n'est que mon avis. Mmh. Et ça n'engage que moi. On termine cette actu. Alors là, avec une alerte Benjamin, Sylvain, c'est une série qui va prochainement débarquer sur France Télévisions. Alors, tout à fait. La série s'appelle Après la nuit, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors. Après la nuit, le jour. C'est presque ça. Alors, après la nuit. Alors, effectivement, c'est une série sur France 2 qui est déjà disponible en replay, si je ne me trompe pas. Donc, on peut regarder ça à son rythme comme on a envie. Alors, après la nuit, c'est en 4 épisodes. C'est cette nuit-là, pardon. C'est pas après la nuit, c'est cette nuit-là, le vrai titre. C'est avec Barbara Prost, Pascal Elbé. Ils l'ont changé entre-temps. Non, mais on a confondu, je pense, les mélanges. Enfin, tout se ressemble de toute façon. Ah ouais, il y avait une autre série que c'était après quelque chose. Oui, parce qu'il y a après la nuit. Oui, oui. Mais cette nuit-là, celle dont tu parles, c'est bien le 23 avril, donc... Oui, oui, moi j'étais sur la série qu'on avait... Après la nuit, bah oui, ah oui, après la nuit, ça a déjà été diffusé. Et oui, ça a déjà été diffusé après la nuit, c'est en replay. Alors, tu sais, c'est comme Meurtre A, La Malédiction 2, machin, reprendre toujours les mêmes titres. Bah bonjour pour garder, si c'est une, ça pourrait être une série culte, bonjour. Alors, après la nuit, oui, ça s'est passé. Et là, l'info qui est nouvelle en quelque sorte, puisque la diffusion sera le 23 avril sur France 2, comme tu l'as dit, c'est en fait une mini-série française de 4 épisodes qui est adaptée d'un roman qui s'appelle No Time for Goodbye. Pourquoi pas, je ne connais pas ce livre. Ça me parle mieux, No Time... For Goodbye. Ouais, mais je sais que tu aimes l'anglais, c'est pour ça que je donne les références maintenant. Et donc, elle sera bien diffusée le 23 avril. Alors, l'intrigue, on suit Sophia. C'est une adolescente de 15 ans qui, après une violente dispute avec ses parents, fugue pour la première fois. Et à son retour, elle découvre que ses parents et son petit frère ont disparu, sans laisser de traces. 20 ans plus tard, toujours hantée par cette disparition inexpliquée, Sophia, désormais mariée et mère, vont voir ressurgir des éléments de son passé qui menacent de bouleverser sa vie. Alors le casting, on l'a dit, il y a Barbara Prost, il y a Pascal Elbé, Hugo Becker, Fanny Cottençon. Bon... voilà, la série disponible en replay sur la plateforme, il semble l'avoir vue, donc voilà, à guetter. Et puis, petite anecdote sympathique, elle a été tournée quand même dans notre région, et dans les Vosges, plus précisément, à Saint-Dié, à nous, Raon-l'Étape. Ça me dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, voilà. Mais ça s'inscrit voilà, dans la tradition du thriller psychologique, exploitant les thèmes voilà, habituels de la disparition mystérieuse, la quête de la vérité, et les conséquences du passé qui rejaillissent sur le présent. Ok. Donc, c'est à découvrir à partir du 23 avril. Oui, ça me donne envie de regarder quand même. Je pense que je te jetterai un œil. Ben moi, je le jetterai, mais je le récupérerai parce que j'en ai besoin. Dans quelques instants, un nouveau numéro de Secrètement Vôtre. Mais c'est, pour c'est le moment... c'est bien ? Ouais, j'ai entendu parler. Ouais. Ok, ben moi aussi. C'est excellent. Et là, tout de suite, voici le mur des hits. Et là, j'en connais un, alors je ne sais pas s'il est à vélo, en voiture ou sur sa terrasse. Il attend avec impatience la deuxième pause musicale. C'est moi qui m'y colle, c'est moi qui vais cliquer sur une case. Et... Quelle impartialité. Et comme nous sommes deux aujourd'hui, je vais cliquer sur la case numéro 2. Et la case numéro 2 me renvoie magiquement à la chanson... À la the song number one. Donc j'ai pas été fort en anglais, mais c'est la première chanson. Et là, Benoît n'a pas l'écran devant lui, donc il ne sait pas la chanson qui va arriver. Et là, franchement, ça va déchirer. Ça va déchirer. Je crois que je l'aime bien cette chanson. Je commence à l'avoir dans la tête. Ouais, alors moi, ça faisait quand même 5-10 ans que j'étais un peu moyennement déçu. Et là, je pense que cette année, ça va être quand même assez détonnant. Donc, je vais essayer de vous donner le nom. Alors, le nom de l'artiste, ça va. Ça s'appelle Cage. Enfin, oui, ça doit être ça. Cage. Et la chanson, c'est Barabada Bastu. Il vient de tel qu'un sauna avec notre belle météo. Voilà. Donc, accrochez-vous, ça déménage. Si vous n'étiez pas à l'écoute de Ça ira mieux demain la semaine dernière, c'est une des chansons qui va pointer le bout de son nez au prochain concours Eurovision de la chanson. Noia. Klockan slår, nu är det dags. Albert Kymberg försvinner strax. Bästa båtid för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. vid din vårvärme lika bra som tango med Arja Sayoma. Yksi, kaksi, kolme, sauna. Vi ska vara bastu, bastu, ångorna på och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som gröder, 100 grader nöja. Bara, bara bastu, bastu, hejta på oss och släpp din vara yr. Oh, oh, oh, bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, bastu, ångorna på och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som gröder, 100 grader nöja. Bara, bara bastu, bastu, hejta på oss och släpp din vara. Voilà, si vous voulez aller au sauna et danser au sauna, vous prenez cette chanson, comme ça, ça va vous préparer pour le prochain concours Eurovision de la chanson. Dans quelques instants, dans Destination Série, nous aurons le rétroviseur 2.0, les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Mais avant, on accède à un nouveau numéro de Secrètement Vôtre. Aujourd'hui, dans la rubrique Secrètement Vôtre de Sylvain, préparez votre passeport. On embarque pour un tour express du monde en 4 escales, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Premier arrêt à Paris, où des femmes de ménage, pas si discrètes que ça, jettent un œil du côté de la bourse. Puis direction l'Oklahoma, là-bas, un certain Sylvester Stallone s'offre un whisky en terrasse, tout en gérant ses affaires mafieuses à sa façon. On enchaînera avec un rapide saut en Afghanistan en plein chaos pour une mission aussi tendue que risquée. Et enfin, on posera nos valises en Californie pour une séance de sport musclé avec Robert Conrad et le légendaire Peter Falk. Colombo n'est jamais bien loin, surtout quand l'épisode s'intitule « Exercice fatal ». Des secrets, des anecdotes, des coulisses étonnantes, c'est tout de suite dans « Secrètement Vôtre ». Oui, une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô? Oui, j'écoute. Que fait-on? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant? On retrouve la rubrique « Secrètement vôtre » présentée par Sylvain. Et bienvenue dans le deuxième numéro de « Secrètement vôtre ». C'est votre nouveau rendez-vous privilégié pour les coulisses, les petits secrets bien gardés de nos séries télé. Celles qu'on adore regarder sur la TNT et encore celles qu'on aime encore plus décortiquer. Alors, première escale, comme l'a dit Laurent, on est à Paris. Saviez-vous que derrière chaque série, il y a souvent une histoire étonnante? On va parler aujourd'hui de la série Clean, qui passe sur M6 depuis le 4 avril. Dans le rôle principal, Alix Poisson, qui incarne Lola, une femme de ménage surendettée, qui décide de basculer dans l'illégalité. Elle se lance dans un délit d'initié pour changer de vie. Résultat, plus d'un million de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour le premier épisode. Ça, c'était la semaine dernière. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Clean est en fait une adaptation d'une série britannique intitulée Cleaning Up, qui a été diffusée en 2019 outre-Manche. Et tenez-vous bien, l'idée de départ est née d'un film. Là, par contre, c'est plus subtil. Mark Mallow, donc le créateur de la série originale, s'est inspiré d'une scène du film Wall Street de 1987. On y voit Charlie Sheen fouiller dans des dossiers ultra confidentiels, pendant qu'en arrière-plan, des agents d'entretien nettoient tranquillement les bureaux. Et là, il a une révélation. Et si ces femmes de ménage, entourées d'infos sensibles, décidaient de les utiliser? Résultat, une série où la propreté cache bien des magouilles et une bonne dose de suspense. Elle est diffusée quand? Alors, elle est diffusée le vendredi, donc aujourd'hui. Sauf que ce soir, il y a un hommage à Val Kilmer sur M6, et on a décalé en troisième partie de soirée les épisodes donc 3 et 4 de Clean ce soir. Alors, bon courage pour les couches tard, parce que là, ça va être très tard, malheureusement. Ok. Alors, la série est totalement passée sous les radars. Alors, oui, elle a quand même fait 1 million de spectateurs à Mais peu près. Mais au niveau promo... Oui, après, il faut guetter. Je pense qu'ils ne l'ont pas matraqué. T'as raison. C'est vrai qu'elle n'est pas très mise en avant. Mais elle a le mérite d'exister. En tout cas, elle était en prime time. Oui, mais c'est dommage. Oui, je suis d'accord. Autant les autres séries, on les a vues venir. Et là, celle-ci... Oui, il faut peut-être écrire à M6 pour dire notre soutien à cette série qui la rediffuse une autre fois. On va les appeler, là, parce qu'on a un souci, on a un os. Alors, surtout moi de mon côté, parce que dans le rétroviseur... Ah oui, d'accord, bon. Oui, c'est pour ça que je dis que voilà, il y a... Ça veut dire que toutes les autres séries ont battu Clean, alors? Ah bah, je pense que l'audience était vraiment à un certain niveau, mais là, pour trouver les audiences sur un portable... Donc, alors, moi, j'ai les audiences, si tu veux, de Clean. Alors, lundi, parce que là, je saute. Alors, Clean a fait 1 million, à peine plus d'1 million de téléspectateurs. Ouais, alors, c'est bizarre, il va falloir que je regarde mes tablettes, parce que c'est pas ressorti. Bah, pourtant, 1 million, c'est pas quand même négligeable. Hein. On peut pas dire. Non, mais on est d'accord, parce que là, je vais faire le rétroviseur, si tu veux. Donc, je te laisse l'antenne, je fais mes recherches, là, parce que là, il y a un os à renier. Bon. Donc, ça, c'était donc pour la série Clean. Ensuite, comme l'a annoncé Laurent, on va aller faire un tour donc du côté du Wyoming, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la série donc, qui n'est pas comme les autres, c'est Tulsa King. Vous en avez déjà entendu parler la semaine dernière. Quand tu vois les audiences sur W9, c'est un scandale. C'est un drame. Ah non, mais je ne comprends même pas, en fait. Ça me dépasse. Alors, tenez-vous bien, quand même, à propos de cette série, c'est que c'est la première fois que Sylvester Stallone joue dans une série. Il n'avait jamais tenu de rôle dans une série auparavant. Et donc, le pitch, vous le connaissez déjà, je ne vais pas le refaire. Et donc, Stallone, oui, il débarque sur le petit écran donc dans cette série. Bien sûr, il joue le rôle d'un mafieux, ça vous le savez. Et c'est vraiment un virage particulier pour sa carrière puisqu'il ne jouait pas sur les séries télé auparavant. Mais ce projet, en fait, initialement, et ça... C'est ça l'anecdote de cette série, c'est qu'on le doit à Taylor Sheridan, le créateur touche-à-tout derrière la série Yellowstone, que je n'ai pas vu personnellement, mais je ne désespère pas de l'avoir un jour. Et en fait, Sheridan, c'est un peu le Mozart du scénario version western. Il aurait pondu le concept de Tulsa King en 1 heure chrono et écrit le script pendant le temps d'un week-end prolongé. C'est dire le talent du gars. À l'origine, la série devait s'appeler Kansas City King, mais le décor a finalement glissé vers Tulsa. Et ça lui va plutôt bien. Et on sait pourquoi, la glissade ? C'est des choix arbitraires, je pense, de studio. Mais alors là, je ne suis pas à la confidence, malheureusement. Ça a peut-être sonné mieux Tulsa King que Kansas King. Il y avait trop de K. Je ne sais pas. C'est peut-être ça. Ouais, je pense. C'est de la phonétique, toutes ces histoires-là. Mais attention, Tulsa King, ce n'est pas qu'un délire de scénariste speedé. Il y a aussi un petit fond de réalité derrière cette fiction. Eh oui, en effet, l'histoire s'inspire en partie du sort bien réel de la famille mafieuse Inzerillo de Palerme, qui a exilé à New York avec des tensions très sanglantes dans la mafia sicilienne. Bref, la série prend vite son indépendance par rapport à l'origine, en tout cas l'inspiration. Mais cette base, en fait, elle donne un parfum d'authenticité qu'on ne savait pas forcément et ça donne, je pense, du crédit à cette série. Alors, si vous avez envie de voir Stallone jouer les parrains dans une ville du Midwest, foncez sur Tulsa King. C'est musclé, c'est drôle, En résumé, c'est une série qui a de la gueule. C'est une série qui a de la gueule, mais... Alors, Benoît va rigoler, mais je mets en avant le rétroviseur, les 5 séries qui ont cartonné dans la semaine, mais en fait, je fais un listing de 15 séries. C'est-à-dire qu'il y a les 5 séries qui sont au top... D'accord. Et il y a 10 séries derrière qui terminent un classement de 15. J'ai peur. Et là, avec l'audience de Clean qui est passée totalement inaperçue dans les tablettes de Destination Série, on a Tulsa King qui sort des 15. Parce que Tulsa King, sur W9, cette semaine, enfin la semaine dernière, c'était seulement 239 000 téléspectateurs. Quand c'est tu connais, pas la, mérité, quand pas tu connais la qualité de la série, le talent du mec... Et là, pour le coup, même si c'est pas de la SF, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de l'action, du drame. Enfin, c'est un mélange. Quand tu connais la qualité de la série et comment elle tient la route, 239 000 téléspectateurs en France, c'est... Moi, j'ai une explication personnellement. Je pense qu'elle a déjà été diffusée, hein, cette série, sur une plateforme. Donc, c'est pas une nouveauté au sens propre. Ouais, mais quand même, quoi, c'est... Je crois que c'était Paramount Plus, de mémoire. Oui, non, mais c'est... Tout le monde n'a pas les plateformes. Oui. Et puis là, on est quand même sur du Sylvester Stallone. Ah oui, c'est pour ça que et c'est... Et là, le mec, il a pris de la bouteille. Ouais. Il a pris de la bouteille et il tient la série à bout de bras. Et alors, c'est sûr que c'est pas du policier, c'est pas de l'enquête, c'est pas... Voilà, c'est... Non, c'est une ambiance avant tout, je pense. Voilà, c'est un western mafieux, voilà. C'est ça. La bonne traduction, c'est ça. C'est un western mafieux à notre époque. Et d'ailleurs, la première saison, alors j'ai pas encore vu la deuxième, mais la première saison, le fait qu'il est resté en prison pendant des années, il sort Internet, les portables. Enfin, lui, la nouvelle technologie, il est... totalement à l'ouest, ça crée des scènes vraiment où on se marre, mais d'un autre côté, ben, y a une histoire prenante et une histoire terrible, parce que c'est pas des enfants de cœur qu'on a dans cette série, et c'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment pas assez payé. Après, il y a le replay, hein. Allez sur le replay pour augmenter les chiffres et puis rattraper. Hein. Exactement. C'est pas impossible, hein. Allez sur M6+, rattrapez-moi cette audience, elle mérite mieux. Tout à fait. Alors, maintenant, on décolle et on fait une escale pour l'Afghanistan. Et aujourd'hui, dans Secrètement Vôtre, je vous emmène à Kaboul. Alors, pas vraiment pour y passer des vacances, mais pour découvrir l'envers du décor d'une mini-série dramatique qui est diffusée depuis le 31 mars sur France 2. Alors, Kaboul, c'est une plongée haletante en 6 épisodes dans les heures sombres du 15 août 2021. C'est le jour où les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan après le retrait des troupes américaines. C'est une fresque qui est tendue, poignante et qui a quand même été suivie par 1,5 million de téléspectateurs lundi soir. Donc, c'est pas négligeable, hein. Ça fait mieux quand même que Tulsa King et quelques autres. Et au cœur du récit, on retrouve surtout l'acteur Jonathan Zakaï, que les fans du Bureau des légendes reconnaîtront sans hésiter. Dans Kaboul, il incarne l'un des personnages centraux d'un récit choral très dense, tourné non pas en Afghanistan mais en Grèce, avec une équipe multiculturelle, mêlant italien, allemand, polonais. Enfin, une ambiance de tournage, comme on dit, collective et joyeuse. Bon, cette solidarité européenne, ça marche aussi derrière la caméra. On le voit, tant mieux pour cette série. Petit souvenir, si vous l'avez manqué. Dans le Bureau des légendes, Jonathan Zakaï, dont je parlais à l'instant, incarnait Raymond Sisteron. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un agent qui avait subi une amputation du pied dans une mission qui tournait mal. C'était une scène assez choc et qui était saluée pour son réalisme justement et sa force émotionnelle. Et surprise, l'acteur, alors ça c'est le bonus de Jonathan. Il a retrouvé son pied. Non, pas du tout. Par contre, vu qu'il n'a plus besoin de marcher, il écrit des livres et il a publié en 2020 un roman. Donc, on peut dire que voilà, il est multicasquette, il fait acteur, écrivain, un artiste quoi. Jonathan Zakaï, tu situes ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Moi, tout. Ce que je voudrais rajouter, c'est que Kaboul, malgré un sujet difficile... Ok, alors je connais le mec, mais le nom, je n'ai pas imprimé. Malgré un sujet qui n'est pas simple, la série, quand même, a dépassé les 1,5 million de téléspectateurs et presque 9% de part de marché. Mais elle n'est pas dans le top 5, apparemment. Mais elle n'est pas dans le top 5, parce que je viens de donner l'audience. Et on termine ce Secrètement Vôtre avec, cette fois-ci, une pépite. Nous partons en Californie, mesdames, messieurs, avec deux acteurs que je chéris. Alors, attachez vos ceintures, parce que là, on atterrit maintenant en Californie. Et je vais vous parler de l'épisode 1 de la saison 4 de Columbo, qui a été diffusé samedi dernier, et qui s'intitule « Exercice fatal ». Il a été diffusé pour la première fois en 1974 et Columbo enquête sur la mort suspecte de l'associé d'un mania du fitness qui s'appelle Milo Janus, incarné par Robert Conrad. Alors, par contre, là, il y a quelque chose que tu ne sais peut-être pas, Laurent. Quel est le vrai nom de Robert Conrad ? Ah ouais. Ah oui. Mmh. Alors déjà, son prénom, c'est pas Robert, c'est Conrad. Ça, c'est le premier point. Son prénom, c'est Conrad. Alors voilà, son prénom, c'est Conrad, son second prénom, c'est Robert. Et tiens-toi bien. Le nom de famille, c'est Falk, d'origine allemande, comme, comme Peter Falk. Ah ouais. Ça s'écrit pareil. Ils étaient cousins ? Pas du tout, mais le vrai nom en fait de Robert Conrad est Conrad Robert Falk. Ok. Ça, c'est quelque chose que peu de personnes savent, à mon avis, parce que c'est pas le truc le plus médiatique. Alors, l'acteur, effectivement, Robert Conrad, qui joue le meurtrier dans cet épisode de Columbo, était connu surtout pour les rôles physiques et athlétiques, notamment dans Les Mystères de l'Ouest ou Les Têtes Brûlées. Il correspond d'ailleurs parfaitement au personnage qu'il incarne dans Columbo. Il incarne un gourou du fitness qui est autoritaire et sûr de lui. Il a d'ailleurs fait les propres cascades dans l'épisode en question. Et bon, c'est pas foufou, mais voilà. Il y a quand même des scènes d'action. Vu ce qu'il a fait dans Les Mystères de l'Ouest, je pense qu'il y a est-ce qu'il a fait du côté des Têtes Brûlées voilà. Alors, tout à fait, mais voilà. Avant Hollywood, en fait, Robert Conrad était aussi boxeur, amateur. Oui. Et il a passé donc de sportif, qu'il a aidé effectivement à tenir les rôles d'action dans les séries qu'il a incarnées. Et il a surtout imposé sa présence à l'écran. Alors, petite anecdote, oui. La oui, jante féminine, et je connais une personne qui adorait ses fesses. D'accord. Voilà. Bon. C'est pas ce que je retiendrai le plus, forcément. Écoute, excuse-moi de l'anecdote, mais, non, mais j'achète. À chaque fois qu'on regardait un épisode des Mystères de l'Ouest, j'en avais une à côté de moi qui disait oh, « quand même, quelle belle fesse !» D'accord. Mais il était beau, le mec. Hein, il avait un charisme fou, ouais. Il avait un charisme fou, puis alors il était taillé, mais... c'était ce genre de mec, tu le croisais dans la rue, tu voulais en faire ton ami, hein, pas lui chercher des noix, c'est parce que t'étais sûr de te faire encadrer, hein. Oui, où il y a des gens qu'on écoute à la radio et on s'en fait ses amis aussi. Oui, oui, mais alors moi, voilà, c'est pas le même projet, voilà. C'est pas... on va dire ça comme ça. Alors, juste pour terminer, donc, ce Robert Conrad, il avait travaillé comme livreur de lait et aussi conducteur de camion avant de percer comme acteur. Il a fait plein de métiers, ouais. C'est toujours improbable. Par contre, dans les années 2000, il a eu un grave accident de voiture alors qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool. Il a été blessé. Il a été jugé et il a reconnu ses torts donc dans cet accident. Mais cet épisode l'a profondément marqué et il a ensuite mené une vie plus discrète avant de s'éteindre en 2020 à l'âge de 84 ans. Et il a laissé deux séries cultes et une qu'on a tendance à oublier. Sloane, agent spécial. Ça, c'est une série, le magasin de jouets, les bureaux qui étaient oui, cachés, c'est vrai, les gadgets, le grand black à côté de lui, l'armoire à glace qui l'aidait dans les enquêtes. Ça, c'est un duo inoubliable et c'est dommage que ça ne ressorte pas en DVD ou que ce n'est pas rediffusé à la télévision. Ah oui, ça nous manque tout ça. Il y en a un qui se fout de ma tronche, il me dit c'est surtout pas les mêmes fesses. Merci Benoît. C'est donc, bon moi, j'ai terminé. Vous pouvez détacher vos ceintures et Secrètement Vôtre est terminé officiellement pour ce 11 avril 2025. Et là, maintenant, il est temps de retrouver... Le mur des hits. Alors, on aurait pu retrouver plutôt. Le mur des hits, mais le problème, c'est qu'on est un non, peu... on ne va pas avoir le temps. Dans la, voilà, le donc on va tout de suite attaquer le rétroviseur. Et après, si on a le temps, on aura un mur des hits. Mais il y a le Manon Série Quiz qui ça pousse. Va être difficile. Donc, ça va être difficile. Donc, on passe... le mur des hits et on accède tout de suite au rétroviseur 2.0. Le rétroviseur 2.0. Alors là, Sylvain, c'est toi qui as la lourde tâche de remettre tout dans le bon ordre. Ah là là là, car le rétroviseur, c'est les 5 séries qui ont cartonné cette semaine Et comme chaque vendredi, comme chaque samedi sur comme chaque vendredi sur Fadjet, comme chaque samedi sur RCN, je donne le casting dans le désordre et c'est aux protagonistes de Destination Série de remettre tout ce bon monde dans l'ordre. Mais comme Benoît n'est pas là, c'est toi qui es responsable de ce palmarès. Ah bah moi je mets Colombo, Tulsa King, Clean dans les cinq premières. Alors, cette semaine, dans le casting, nous avons Le Crime de la Tour Eiffel, Flashback, Hudson Rex, Tropic Criminel et La Malédiction du Lys, qui est cinquième. Waouh. Alors, attends, tu m'as dit La Malédiction du Lys ? Ouais, alors pas du Lys 31, hein. C'est La Malédiction et du Lys. Nous avons Hudson Rex, Flashback, Tropic Criminel, Le Crime de la Tour Eiffel. Le Crime de la Tour Eiffel, c'est une série ? Je suis passé à côté. Hein. Alors écoute, c'est le problème. Alors là, Benoît n'est pas là. Pareil, j'arrête pas de le dire, mais il aurait pu t'expliquer. Ah. Ça fait partie des collections très sympathiques de France 3. Nous avons le crime A, nous avons la malédiction 2, meurtre A. Voilà, c'est très, très simple à France D'accord, 3. D'accord, je comprends bien. Ça n'avance pas vite, mais ça cartonne. Bon, ben, je vais mettre celle que je connais pas, puisque je suis passé à côté. Donc, d'Ulysse, c'était quoi ? C'est La Malédiction. La Malédiction du Lys. Je pense que... C'est ça, cinquième. Ça a battu Clean, apparemment. Donc, déjà, c'est pas mal, cinquième. Eh bien, non. Oh. En cinquième position, nous avons Hudson et Rex, à 1 929 000 téléspectateurs. Ah, quand même. Quand même. Ah oui. Donc, qui est quatrième ? Il nous reste La Malédiction du Lys, Flashback, Tropic Criminel et Le Crime de la Tour Eiffel. Bon, Flashback, Tropic Criminel, on a compris, c'est des cartons d'audience en général. Oui. Hein, c'est pas trop une surprise. Oui, donc qui est quatrième ? Eh bien, La Malédiction du Lys. La Malédiction du Lys est bien quatrième, à 3 533 000 téléspectateurs, presque 19% de part de marché, leader quand même ce soir-là sur France 3, qui est troisième. T'avais parlé de la Tour Eiffel, je crois ? Le Crime de la Tour Eiffel. Oui. Je dirais ça, oui. Troisième. Ah bah oui, parce que, comme je t'ai dit, j'ai loupé les deux là. Alors. Ouais. Si elles sont déjà dans le top 3, c'est beau. Et non. En troisième position, nous avons Flashback. Ah oui. La nouvelle série de TF1, cette semaine, a atteint les 3 588 000 téléspectateurs, 20,2% de part de marché. Leader, mais en baisse. La semaine dernière, si je regarde mon calepin, hein, à l'heure de l'informatique... Entendez le bruit de ces pages qui tournent et qui retournent. Et Flashback était à 4 545. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, nous sommes à 3 588. C'est pas faux d'en avoir parlé la semaine dernière, en tout cas. Oui, donc Flashback est troisième. Donc, il nous reste à désigner la pole position. Qui est premier ? Qui est deuxième ? Tropic Criminel, Le Crime de la Tour Eiffel, Le Crime de la Tour Eiffel, Tropic Criminel. Je vais aller au bout des improbables, donc oui. Je vais mettre la Tour Eiffel en premier. Bravo, Le Crime de la Tour Eiffel est leader de ce classement, à 4 176 000 téléspectateurs, plus de 24% de part de marché. En deuxième position, nous avons Tropic Criminel, 3 922 000. Ça résiste quand même, Tropic Criminel, hein. C'est... C'est incroyable. Hein. Bah, moi, je suis surpris à chaque fois, à chaque semaine. C'est l'effet Sonia Roland. Hein. C'est l'effet Béatrice de la Boulet. Donc, nous avons 5 minutes qui nous permettent d'accéder enfin au fameux mur. Et là, c'est donc à Sylvain de s'y coller. Je vais garder les chiffres pairs. On a fait le 6, on a fait le 2, je prendrai le 4. Le 4, attention, j'ouvre la case. Et ça me met chanson numéro 3. Et qui est en 3 ? Je vous le donne en 1000. Qui est en 3 ? Vous allez le découvrir, vous allez adorer. Alors ne confondez pas avec, comme moi la semaine dernière avec mon humour à la noix, le petit personnage japonais qui s'appelait Gigi. Là, ça n'a rien à voir, c'est un autre Gigi. Et là, c'est de l'anglais, hein. Wasted Love. Et là aussi, ça vaut le détour. Oh, Alors ne faites pas la même erreur que moi, hein. C'est un homme qui chante, c'est pas une femme. Et si vous aimez, vous le retrouverez au prochain concours Eurovision de la chanson. Tout de suite, sans perdre une seule seconde, voici celle qui nous propose chaque semaine une rubrique sur les séries vraiment excellentissime. Et là, comme tout le monde est en vacances, tout le monde est barré à droite, à gauche, nous on la retrouve en best-of. Destination série, le Manon série quiz. On va commencer par la première question, qui n'est pas une question, comme d'habitude, c'est un générique. Et alors c'est un peu particulier, parce que ce générique, je vous l'aurais mis, vous l'aurez reconnu dès la première seconde. Donc là, j'ai pas à l'aide d'une IA concrètement, je vais l'avouer, j'ai enlevé la voix du générique pour que vous, pour que ça soit un peu moins facile, quoi. Donc voilà, je vous laisse chercher, mais sachez que de base, sur ce générique, il y a des paroles. Voilà, donc quelle est la série ? Cat Size. Oui, là c'est. Oui. Là c'est vrai que c'est facile. Alors, une nouvelle fois, je le redis, je voudrais saluer TF1. Jamais j'aurais pensé avoir une version live de cette qualité. Alors on peut critiquer certains points de détail, mais en plus de ça, le respect du générique, et tout ça part d'un dessin animé japonais. On m'aurait dit, dans quelques années, TF1 fera un remake d'un dessin animé japonais comme Cat Size, avec un respect total. Alors c'est sûr que derrière, on a quand même le créateur japonais du manga, qui a surveillé tout le cheminement. Donc c'est pour ça, ceux qui critiquent, je voudrais leur dire que ça a été validé par le papa des Cat Size, donc c'est pas rien. Et moi, ce que je kiffe, c'est le générique. Et en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais à un épisode, on a eu un générique évolutif. Évolutif, oui. Ouais, c'était très très bien aussi. Pas mal en instru aussi. Oui, oui. Hein, c'est voilà. Alors, faudrait qu'elle me donne l'adresse de son IA parce qu'on a même pas les voix en fond. Mais c'est propre, c'est très propre. Si maintenant Manon joue avec l'IA, enfin c'est vrai qu'elle a déjà joué avec l'IA, elle sait faire plein de choses. Oui, on a tendance à la prendre pour un blaireau. Non, mais en fin de compte, non. On a même une musique de fond maintenant quand elle parle. Hein? Ah, c'est pas toi qui l'as mise? Non, mais tu crois, Benoît, que je vais écouter son fichier? Bah non, tu peux pas. T'as envie que je triche ou quoi? Non, c'est vrai, non, je suis bête. Je suis fatigué aussi. Je fais rien. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit, tiens, il y a un petit fond aujourd'hui. Bah non, mais t'aurais pu mettre un fond là, dessous. Ah non, je touche à rien. Moi, je diffuse. C'est vrai. Je diffuse comme c'est proposé. Et voici le fichier numéro 2. Voilà, j'espère que vous l'aurez reconnu quand même. Parce que bon, c'est la série phénomène en ce moment. Et j'avoue que même moi, je l'adore. C'est Cat Size. Voilà, j'ai failli vous mettre la version du générique du dessin animé. Mais je la trouve un peu plus sympa. C'est celle qu'on entend plus en ce moment, celle de Cat Size de la série. Bon, on l'aurait trouvée aussi. Donc voilà, c'était Cat Size. On l'a écouté plusieurs fois, le dessin animé. Et sans les paroles, c'est sympa aussi. Ouais. Franchement, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Bon, on l'a dit avant. On enchaîne avec la deuxième question. C'est une citation. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. La citation est... Une île paradisiaque où chaque enquête est un mélange de mystère, de soleil éclatant et de charme tropical. Menée par un homme tu l'as dit au caractère bien trempé, souvent accompagné de sa fidèle équipe. Meurtre au paradis. Les crimes n'ont jamais été aussi dépaysants. De quelle série on parle ? Meurtre au paradis ou alors Sonia Roland. Et dans Tropique criminel. Tropique criminel, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Alors, quelle est la série ? Donc toi, tu prends quoi ? Ah, je vais prendre Aller Meurtre au Paradis parce que voilà. Moi, je prends Tropique Criminel. Ça pourrait pas être celle dont on parlait aussi ? Saint-Barth ? Bah, peut-être Saint-Barth. Ça pourrait être aussi. Saint-Barth, hein, ouais. Dans l'actualité. Alors, moi, je vais rester fidèle à Sonia Roland. Oui, ça pourrait être Sonia Tropique Roland. Criminel, voilà, j'adore cette série, j'adore Sonia. Moi, j'adorais Meurtre au Paradis, mais je crois qu'elle a déjà fait Meurtre au Paradis. On a déjà une question sur Meurtre au Paradis. Est-ce qu'elle referait une question sur Meurtre au Paradis ? Bah écoute, prends Saint-Barth. Mais Saint-Barth, je trouve que c'est un peu trop vendu. C'est un peu trop léché. Moi, je reste sur Sonia Roland et Béatrice de la Boulay. Allez, après... je reste sur Meurtre au Paradis, ma première idée. Et ça va être Saint-Barth tout à l'heure. Allez, on écoute. Alors, j'avoue honnêtement que je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Voilà, je ne suis pas là comme il y a 2 semaines pour vous aiguiller. Alors, j'en sais rien. Mais pour vous donner un dernier petit indice, si vous ne l'avez pas encore trouvé, à l'heure où je tourne, enfin, à l'heure où j'enregistre, pardon, je ne suis pas une série, à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 5 décembre. Et aujourd'hui est la dernière. Ah, c'est ça. C'est la dernière de la diffusion de cette série. C'est Saint-Barth. Quand je vous dis ça, vous me dites. Saint-Barth. Vous laissez un petit temps. Bah, Saint-Barth. Évidemment que c'est Commandant Saint-Barth. Bah oui. Voilà. J'avoue ne pas avoir regardé la série. Mais c'est une série quand même dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est un peu survendu. Et ça me donne presque envie de la regarder avec la description que j'en entends. Hein. Donc, je vais peut-être m'y mettre. Oui. Donc voilà, la série. Bah, tu t'arrêteras vite. Fais gaffe. Et finalement, pour la troisième question, j'avoue que je prends un petit peu ma revanche. Parce que j'ai toujours le seum de me faire avoir dans le rétroviseur des audiences de Meurtre 1. Alors, je voulais parler de la série Meurtre 1, je ne savais pas comment, et je me suis rappelé que Meurtre 1 avait été aussi tourné à Nancy, Meurtre 1 à Nancy, en octobre 2022. Exact. Et donc, je pense que vous attendez à cette question, on va vous demander l'audience. Juste avant de vous donner les propositions de réponse, j'ai juste un petit indice pour vous, c'est que lors de sa première diffusion en octobre 2022, Meurtre 1 à Nancy avait réussi à battre le retour de la Star Academy. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. 4 propositions de réponse pour vous. La première, c'est 5,06 millions. La deuxième, c'est 4,03 millions. Ensuite, c'est 4,74 millions. Et la dernière, c'est 6,30 millions. Je vous laisse chercher. Moi, je dirais 4,74 millions, un truc comme ça, là. Ça me paraît beaucoup, hein. 5 ou 6, ça me paraît beaucoup. Bon, je vais dire 5 pour pas dire pareil, mais... Ah, il y a 5 et quelques, ouais. Je vais dire bah, ça pour pas dire 4. C'est peut-être ça, Benoît, parce que ça a été un carton. Ça a été un carton. Ouais, mais 5, ça me paraît beaucoup. Mais bon, allez, allons-y. Pour 5, toi, tu dis 4. 4,74. Ouais, moi, 5, 2. Le plus haut dans les 4. Et moi, mais, le plus haut, mais ça peut être 5. Le 5, ouais. Ça peut être 5, puisque ça a été... rappelle-toi, j'ai ironisé pendant longtemps en disant... voilà, quoi. Parce que... Je ne vais pas plus loin, parce que plusieurs fois, on m'a dit, on ne critique pas. Meurtre à Nancy. Voilà, on ne critique pas. Donc, ça peut être 5. Hein. Allez, moi j'ai dit 5. Allez, t'as dit 4. Alors, 6. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Honnêtement, félicitations à celui qui l'a eu. C'était 5,06 millions. Voilà, pas mal, surtout pour battre la Star Academy. Franchement, voilà, je trouve que c'est un bon retour. Donc, je me rappelle qu'on en avait parlé d'ailleurs à l'époque. À l'époque où c'était arrivé. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. Merci Sylvain. Merci à toi aussi Laurent. On se retrouve pas la semaine prochaine, on sera en best-of. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Destination Série.